Archi Radio, la radio du festival Archipel, en direct de 10h à midi sur archipel.org. Bonjour. Bonjour, Archipel. Et on est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'est un peu agrandi. On a accueilli Perrine qui nous rejoint dans l'équipe pour travailler avec nous. Salut Perrine. Salut, salut. Je prends la voix de Perrine parce qu'on a plus de personnes, mais toujours les mêmes micros. Donc troisième jour du festival, troisième jour de Archi Radio. Hier, c'était une grande journée, samedi, avec beaucoup de choses, beaucoup de concerts. Beaucoup de monde aussi. Beaucoup de monde, des workshops. Voilà, et puis justement, on peut commencer par cette petite capsule de résumé de cette journée faite par Simon. Simon, est-ce que tu peux nous dire quelques mots ? Ouais. Alors, pour cette troisième capsule, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus soft, dans le sens où j'ai pas trop touché aux enregistrements. Il n'y a pas vraiment de modifications, j'ai pas trop trituré les sons. Et donc, cette capsule démarre avec un enregistrement de la performance de Valentine Michaud et de son saxophone, et qui est superposé avec le son du concert des enfants qui ont fait l'atelier en fait au Perleur hier. Donc ça rend quelque chose d'assez mystérieux, mais c'est assez chouette. Et puis ça continue avec un enregistrement de la cuisine. Je suis allé en cuisine, dans les cuisines d'Archipel, parce que on mange super bien ici. Moi, je vous invite à venir manger ici. C'est archi bon, c'est archi pas cher. Et c'est archi différent. Chaque jour, c'est ça. Il y a des menus. C'est archi diversifié. Ouais, et complexe. Donc des menus très, très articulés. Mais végétarien. Hein, végétarien aussi. Oui. Donc voilà. Et puis ça finit avec des bruits de, justement, les bruits des fours de la cuisine qui se mélangent avec la guitare électrique de Nina Gerser. Yes. Thank you. merci Simon. C'est des espaces différents qui se mélangent très bien. On a l'impression d'être dans un seul espace, mais oui, c'est l'espace de la maison communale de Plainpalais. Tout à fait. Moi, j'ai reconnu les différents événements puisque j'étais aussi à l'atelier haut-parleur et je trouvais assez drôle la rencontre des voix des enfants avec le concert d'Alvin Lucier hier. Donc, c'est une belle rencontre. Ça marche très bien ensemble. Hein. Donc, aujourd'hui à la radio, On a la chance d'avoir Clara Iannotta qui vient nous parler de ses concerts et de son invitation au Festival Archipel. Et donc, elle est accompagnée par Nicolas von Ritter-Zaoni, compositeur, qui va être là pour l'interviewer. Clara n'est pas encore là, mais Nicolas est déjà là. Bonjour Nicolas. Bonjour. Clara est en train de tourner autour de la maison de Plainpalais, en essayant de trouver une porte ouverte. On lui a donné toutes les indications possibles pour y accéder. Je crois qu'elle devrait arriver à l'instant. En tout cas, avant, on a quelques petites perles de la librairie du festival, gérée par Vincent Deroguin, avec les questions très curieuses de Doris. Et puis, on a un documentaire que tu as réalisé, Jonathan. Je vois un micro-trottoir. C'est un micro-trottoir, oui, exactement. Fait ici devant la maison de Plainpalais, les jours hier et avant-hier, où j'ai essayé de capturer les Genevois qui courent dans les rues, qui fuient, s'échappent par manque de temps, en leur demandant des renseignements sur le festival Archipel et sur la musique actuelle. Et puis, on retrouve toujours Jérémy avec Tuto Sonic. Et aujourd'hui, il va nous parler de l'effet Doppler. Donc, on ne vous en dit pas plus. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est l'effet Doppler, ça sera très bien expliqué dans pas longtemps. Et évidemment, il y a le son mystère du jour, qui aujourd'hui n'est peut-être pas si mystérieux. Oui, ou peut-être pas si son que soit. Toi, c'est peut-être quelque chose de plus articulé, mais... Voilà, il faudrait deviner qui... Oui, voilà, il y a une deuxième couche, en fait. Il y a une couche évidente, voilà. Et puis il y a la couche derrière qui est beaucoup plus difficile. C'est peut-être plutôt philosophique, vu qu'elle a été proposée par notre philosophe Antoine Leng. Qui jouait hier de la guimbarde pour Ambisonic. E un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende la felicità. E abbassare la luce per fare la pace, la felicità, felicità. Vabbè, senti, nell'aria c'è già la nostra canzone, l'amore che va come un pensiero che sa di felicità. Donc voilà, c'était un son mystérieux qui s'apparente plutôt à un quiz musical pour exactement, aujourd'hui. Exactement, oui. Il faudrait peut-être deviner l'interprète ou les interprètes et l'endroit. Donc à appeler le numéro 078 244 57 54 à partir de 11h10. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur la page de la radio. Donc le numéro de téléphone et le son à écouter. Que le son à découvrir.